Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Et tous les dimanches, 18h-20h, c'est parti pour Skyrock Classics avec les plus grands sons qui ont fait l'histoire de Skyrock en version originale. Sans plus attendre, on fait péter le début de l'émission, le premier quart d'heure. Avec attention, Mark Ronson, Bruno Mars tout de suite pour attaquer, c'est Uptown Funk. Cypressil juste après, c'est Tequila Sunrise, sans rémission, le gros son de la Funky Family. Et Usher, You Make Me One, un Skyrock Classics, c'est jusqu'à 20h. Mettez-vous bien et tweetez, hashtag Skyrock Classics Kayla de les IKS. C'est parti. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Rap et R&B non-stop. Classique, 18h-20h. Pour la salud. Pour la salud. Primero yo. Down for my barrio and to make pay. Yeah, the hill cartel taking over your area. Making mad gas so down in Mexico where the sun burns hot and it goes down slow. Got my clientele so everything's well. Gotta be in the mountains with the big Spanish bell. And let it be known that I'm down.

you're the one that hooked us up, knowing it should have been you. And what's sad is that I love her, but I'm falling for you. What should I do? Should I tell my baby bye-bye? Should I do exactly what I feel inside? I don't wanna go, don't need to stay, but I really need to get it together. Skyrock Classics avec Usher, c'était You Make Me Wanna à l'instant. Et attention, il y a l'Euro qui a démarré. Et pour le voir en grand, très grand, grâce à Difool tous les matins entre 6h et 9h, il y a des télé 4K Samsung à gratter. Soyez là, hein, demain, le meilleur réveil sur Skyrock avec Difool et toute l'équipe. Du gros son rap US à écouter. Got Your Money, c'est Old Dirty Bastard qui débarque. 113, Jamel Debbouze arrive aussi, Célébration. Et Nicki Minaj, super basse sur Skyrock. Et attention, on a parlé des télés à gagner dans le morning et les places aussi. Écoutez, demain matin, 6h-9h. Skyrock Classics, Classics, KLA 2SIKS. Baby. All the pretty girls in the world, and the ugly girls too. But to me, you're pretty anyway, baby. You give me your number, I call you up. You act like your pussy on interrupt. I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you say you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad, bitch. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Bitches, niggas, put away your pistol. Dirty won't be having it in this house, cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another nigga. The Gucci won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. Video. Oh, dirty on the hat, and I let you all know. Just dance if you're caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB, as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems, cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just third dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. No, you know my name down, give me my money. Hey, dirty, sing it. Baby, I got your money. Sing it, girls. I said, hey, just sing it right now. Baby, I got your money. If 31 is hey, funny, I think y'all should give him his money. Baby, I got your that's money. That's how I like don't you, worry. Girl. Sexy, sexy, sexy.

peut se passer. Et puis c'est vous. Hawaii Mani. United. Scarl Profit. Wow. Bصحتك. Skyrock classique. 18h-20h. This one is for the boys with the booming system. Top town AC with the coolest system. When he come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like he's saving up. And he ill, he real, he might got a deal. He pop bottles and he got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly couch. He a motherfucking drip, drip, seller or the strip, strip. When he make a drip, drip, kiss him on a lip, lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, you'll get slapped if you're looking ho. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you're like Pelican Fly. I mean, you're so shy and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with the thing on his eye, oh. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I'm at them dudes up. Back coops up and drop the boots up. Boys in the polos, entrepreneur niggas in the mogos. He can ball with the cool, he can sow loud. But I think I like him better when he's out loud. And I think I like him better with the fitted cap on. He ain't even gotta try to put the Mac on. He just gotta give me that look. When he give me that look, then the panties coming off. Excuse me, you're a hell of a guy. You know I really got a thing for American guys. I mean, sigh, sickening eyes. I can tell that you're in touch with your feminine side. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I'm acting dudes up. Back coops up and chuck oh, the you deuce got up. My heart. Skyrock, premier sur Laura, premier sur Nicki Minaj entre 18h et 20h tous les dimanches. Skyrock Classics avec les plus grands sons de Skyrock. C'était super basse à l'instant. La première fois que vous avez entendu la voix de Nicki Minaj, c'était bien entendu ici sur Skyrock. Il fait pas très beau dans toute la France. Marion témoigne sur Twitter. Je sors de la salle de sport, pluie torrentielle. En rentrant dans la voiture, c'est Skyrock Classics. Et ça, c'est quand même super. Bah ouais, l'émission qui déchire tous les dimanches soirs, c'est Skyrock Classics entre 18 et 20. Avec le son qui se poursuit tout de suite. LL Cool J à écouter. C'est Hey Lover maintenant. Et attention, troisième œil juste après. Gros son rap français, la bande originale de Taxi 1, La vie d'élève sur Skyrock. I'm at the Rutgers, yeah. I saw you with your man, smiling, huh, a coach bag in your hand. I was laying in the coupe with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs, goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him 5 months. Besides, he drink too much and smoke too many.

somebody gon' get laid the fuck out. They call me new money, say I have no class. I'm from the bottom, I came up too fast. The hell if I care, I'm just here to get my cash. Bougie ass bitches, you can kiss my ass. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. I could go Daytonas on that cherry 6-4. White walls so clean like I'm riding on Vogue. Hit one switch, man, that ass so low. Cali got niggas in New York riding on honey scopes. Touch me, tease me, kiss me, please me. I give it to you just how you like it, girl. You're now rocking with the best 4 pound on my hip, gold chain on my chest. 50, Bentley, MK, man, got a nigga fresh out the slum. Automatic gun, fuck a one-on-one. With rat punk, your punk ass stuntin', you're done. Homie, it's game time, you ready, here come. Call Lloyd Banks and get this motherfucker crunk. It took 2 months, but 50 got it done. Signed with G on the head, niggas like, huh. Don't try to front, I'll leave your ass slump. Thinking I'm a punk, get your fucking head lump. 50 got a gun, ready, here come. Got a sick vendetta to get this cheddar. Be my book, rather the drama. Set a sip, I'm up. Better my flow sounds better than average. On tracks, I'm a savage. I damage any nigga tryna front on my clip. G, you net, you net. Je me présente, Molotov. Hey. Undercover. Hey. Le micro chauffe. Hey. Appelle-moi Mr. Over. Hey. Moi j'innove. Hey. Depuis Radio Nova. Hey. Sur un son qui groove. Hey. Qui va raser ta touffe. Hey. Pourquoi tu l'ouvres? Hey. Quoi? Qu'est-ce que tu me prouves? Hey. Ta carrière je crève. Hey. Comme un Aguanikova. Hey. Vas-y, tu me couvres. Hey. Braque sur un convoi. Hey. Mon flow dans ta couve. Hey. J'attends ça les achève. Hey. Le son t'achève. Hey. Danse comme un cheval. Ici pas de philosophe. Hey. Ça rêve à trop de œuvres. Hey. Vas-y chauffe, ça rêve t'es pas l'ova. Bouge la tête des youves, les bourgeois deviennent ouf. J'ai 8 de bouffe, ça vient de les sous-bois. Toi t'son pas les deux bois, j'parle pas la langue de bois. C'est Rouskov, c'est Négalo Tamba. Ton style est trop bof, moi Hamdoullah Sava. J'abuse comme un junkie. Safe t'es pas funky. La merde dans ton paquet. L'horreur moi c'est chunky. Flow trop paraqué. J'mange tôt comme les hackés. J'glisse comme au ski. Au top comme Cherokee. Lève tôt comme les frosties. L'aile mange pas de GS. Toujours le fil au fish. Au McDo bitches. J'contrôle mon BS. Même en période de crise. La lame j'ai KS. Le terre-terre j'maîtrise. Moi j'suis pas la BS. J'baise le champ PS. J'te le dis en tout franché S. Ton flow il pue la PS. J't'effonce comme une paire KS. Tes keufs dans ta DS. T'as trouvé ton robe. Faut que je te dise est-ce que t'es mon fils. Je me tape jamais la fiche. Ma tête est mise à prier. Je m'en fiche. Le rap français sur moi a mis une fiche. Pas c'est créé. Molotov 4 G8 c'est le Zin. Travaille à Pékin. Rabâche comme le charras, j'm'en prends la raasse. Quand j'kick, tu naasse. J'sais pas, c'est comme aas. Y'a que la as qui te caasse. Ma voix t'es raasse. Grouille, ça tracasse. Tu la as, des aas. Putain, t'es naasse, traasse. J'rêve d'un bon la as. Au bas à ma as. Pour l'instant, j'ramasse. Des billets, j'en de la caasse. Tu connais mon plan as. Pas la baasse. J'sais pas pourquoi tu caasse. Chut, on te caasse. T'as peur de me faire faasse. Comme une gaasse. J'suis solidaire, mais mon chien, on galère de whisky. Et la as, je bats ta bouche pour sucer ma glace. Putain as, vas-y fais, sois un beat qui t'écrase. Je te déclasse, c'est ma deuxième crasse. Je désosse ton flow, aïe t'es bon pour la casse. Skyrock classique, classique, 18h-20h. Surprise, see no one. Soir, premier sur les souvenirs dans Skyrock Classics, 18h-20h, les meilleurs sons de Skyrock, X Factor, Lauryn Hill à l'instant, et demain matin, le grand classique de Skyrock, c'est le chèque de 1500 euros que vous pouvez gratter si vous répondez Skyrock dès qu'on parle radio au téléphone. Écoutez, voici un petit exemple. Faut me dire quelle est ta radio préférée. Skyrock. Eh ben Sarah. Ça va bien, bon. Et ça rapporte. On peut le ça dire rapporte. Maintenant, ça rapporte en plus, ouais. T'as gagné 1500 euros, ça va. Ah bah merci, c'est gentil. Et ouais, c'est gentil, 1500 euros cash si vous répondez Skyrock dès qu'on vous appelle pour vous demander quelle est votre radio préférée. Il n'y a pas que ça à choper, il y a aussi des télé Samsung 4K pour voir l'Euro en grand, en très grand, et des places aussi pour aller carrément dans le stade, dans toute la France, pour voir l'Euro grâce au Crédit Agricole. Le morning de Difool demain matin, 6h-9h seulement sur Skyrock pour une nouvelle semaine. Macklemore tout de suite. Premier sur le rap, premier sur les classiques. On écoute Macklemore, Tuff Shop. Il y a aussi Busta Rhymes qui arrive avec Dangerous. Et le gros son de ma direction, c'est Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? What? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold-ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Your lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stuntin'.

princesse est morte, sans flash ni escort, sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Une princesse est morte, femme de cœur, une femme forte, mort, sans flash ni escort. Une princesse est morte, sans flash ni escort, sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Une princesse est morte, une femme de cœur, une femme forte, mort. Toutes les mères sont des princesses qui sans cesse donnent de l'amour aux vies qui naissent et disparaissent aux yeux d'un enfant. Le deuxième nom de maman c'est Dieu, qui peut plus qu'une mère forger l'esprit d'un homme sérieux. Au sein d'une famille, royale ou pas, son amour brille. Pas besoin de diamants ou de caisses, à elle seule elle brille. Elle apporte la joie, amène le souffle infini, règne telle une reine sur le sentier de la vie. Des princesses meurent tous les jours, les cœurs se froissent pour toujours. Qui sont les femmes qui dans ce monde ont bougé des tours? Qui sont celles qui pour une cause ont brisé les montagnes? Qui sont celles qui ont connu des flammes fortes au sein des souffrances et des douleurs, à travers les nations, les époques et les couleurs? Combattantes, militantes ou bien mères tout simplement. Des larmes coulent quand vos âmes s'en vont dans le vent. Une princesse est morte, sans flash ni escort, sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Une princesse est morte, une femme de cœur, une femme forte, morte. Sans flash ni escort, une princesse est morte. Sans flash ni escort, sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Une princesse est morte, une femme de cœur, une femme forte, morte. Sans flash ni escort. Yeah. Princesses sont celles qui ont connu la misère, ce sont celles qui ont connu la douleur. Car au sein du sang et des cris, les amènent la vie. Yo, je dédicace ce morceau à ma mère, pour ça je la remercie. Paix. Pour 9-8 résurrection. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. I got a sick reputation for handling broads. All I need is me a few seconds and more. Then it's a wrap. Tell a to bring my lap, and I ain't coming back, so you can put a car right there. I'm the truth, and I ain't got nothing to prove. And you can ask anybody, cause they seem to do it. Barricades, I run right through them, I'm used to them. Throw all the dirt you want, no use. Still won't have a pen up in a fabulous room. Bone up back, picking out a basket of fruit. I love you, boo. Yeah, freaking Petey, love you too. You know how I do. Quite there yet, but I'm getting better at it. Matter of fact, let me tell it to you one more game. All I got to do is tell a girl who I am. Ain't there a chick in here that I can't have. Bada boom, bada bam, bam, bam. You're insinuating that I'm hot, but these goodies, boy, are not just for any of the many men that's trying to get on top. No, you can't call me later, and I don't want your number. I'm not changing stories, just respect the play I'm calling. You want the goodies, bet you gonna get it. Got you a heart and blood, I'll

enemies, my foes. These fools, you're stepping on my toes. Back above me, take your hands off me. Give me room to breathe. I'm not hearing it, I'm not fearing it. I'm up to my ears in it. I'm destructive, some women find that seductive. Some say it's lunacy. I won't permit it, I won't acquit it. I wanna fight you, I'll fight you. Can't stand nobody like you. You can't run, you can't hide. No surprise, close your eyes. Skyrock Classics tous les dimanches entre 18h et 20h. Come with me pour terminer l'émission. C'était Puff Daddy, enfin P. Diddy plutôt. On peut dire comment alors? Bah à l'époque c'était Puff Daddy, c'était, c'est ça. C'était même sur la bande originale d'un film, c'était Godzilla à l'époque. Godzilla. Toute première version avec Jean Reno d'ailleurs à l'intérieur. La classe. Qui jouait le rôle d'un français qui s'appelait Jean-Pierre. Ça m'avait traumatisé d'ailleurs, je trouvais bizarre. Ils nous prennent vraiment pour. Le mec s'appelait Jean-Pierre. Hein. Normal quoi, c'est Jean-Pierre. Tout Jean-Pierre, Jean-Christophe, il y avait trois français appelés comme ça à l'intérieur, je me rappelle. Voilà, un petit cours d'histoire, petit cours de ciné avec Stéphane Premier sur les sons américains en plus du ciné. Eh ouais, exact, parce qu'on est parti pour la nouvelle révélation du 8US comme tous les dimanches soirs. Eh ben c'est parti, alors on file aux States. Allez, on y va. Ciao, ciao. 14h à New York, 11h à Los Angeles.